Qu'est-ce que tu veux que je sente comme chanson? Oh, des petits oiseaux! Oh, j'aime bien les oiseaux. Thank you. más spicy. Thank you. Thank you.